Isanganiro. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 23 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Des bacheliers ayant commencé l'année académique 2011-2012 se voient toujours refuser l'entérinement de leur diplôme après leur cursus. Ils avaient eu le droit d'intégrer les universités privées uniquement pour n'avoir pas eu la note exigée pour se faire inscrire à l'enseignement supérieur public. Cette question est pendante depuis 2 ans déjà. La population de Kirundo voudrait voir les relations se normaliser entre le Burundi et le Rwanda voisin pour que les échanges commerciaux reprennent et que les familles désintégrées à cause de l'expulsion de certains de leurs membres se reconsolident. Le reportage du jour nous conduira au centre d'enseignement des métiers de Kirundo qui manque d'enseignants à temps plein. Mais les bénéficiaires disent être satisfaits de la formation dispensée tant bien que mal par les vacataires. Et dans la chronique santé ce mardi, nous évoquerons avec Dr Angélique Niokindi une maladie appelée spondylodicite qui est une inflammation de la colonne vertébrale due à une infection dans le disque intervertébral. Ce sera à la fin de ce journal mis en onde par Audrine Ndaïket. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Les étudiants qui ont commencé l'université l'année académique 2011-2012 demandent que la question relative à leur diplôme dont l'entérinement leur est toujours refusé soit validée, soit vidée. Ces étudiants qui avaient obtenu au moins 30% à l'examen d'État avaient eu droit d'accès aux universités privées par un décret. Et à la fin de leurs études, ils disent qu'ils se sont vus refuser le droit d'entérinement de leurs documents de fin d'études. Suivez un de ces représentants de 6 universités privées. Nous, les étudiants inscrits à ces années académiques, nous avons un problème majeur. Notre problème est que lors de notre inscription, nous nous sommes inscrits sur l'ordonnance ministérielle numéro 610/2230. L'article 3 et 4 nous donnait l'autorisation de fréquenter les universités privées avec une note supérieure ou égale à 30% et un diplôme d'humanité générale, technique ou pédagogique. Après ça, nous avons suivi notre cursus de formation d'investisseurs avec un volume horaire de 4500 heures, c'est-à-dire 180 crédits. Après notre cursus de formation, nous sommes dans la désolation totale d'être refusés à notre validation, c'est-à-dire entérinement de nos documents, conformité à l'attestation de réussite, tenue de diplôme, à la direction générale, en disant que sans diplôme d'État, pas de diplôme de baccalauréat. Alors que notre inscription, pendant cette période, la loi était créée, c'est-à-dire la loi, donc, nous donner les conditions, nous donner l'accès à notre inscription. Mais pour le moment, on a refusé de valider nos documents, c'est-à-dire qu'il y a le non-respect de cette loi. Pour le moment, nous sommes d'arrêt, nous croisons nos bras, nous demandons à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'avoir régularisé nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans sans documents, alors que la loi était créée. Nous, les recteurs de nos institutions, nous ont dit qu'il faut attendre. Alors, nous avons patienté vraiment, il y a au moins 2 ans. Est-ce que nous allons attendre jusqu'à quand? Alors que nous nous sommes inscrits conformément à la loi qui est là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation de la loi. Nous demandons alors la transparence de cette loi. La loi est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'on indique être au courant de cette question. Ce ministère affirme qu'elle est en train d'être attentivement étudiée et que des états généraux sur l'enseignement supérieur sont prévus le 15 novembre prochain. Et cette question sera mise à l'ordre du jour de ces états généraux. Et sachez que le texte instituant les notes pour l'accès à l'enseignement supérieur, ce n'était pas un décret, mais plutôt c'était une ordonnance ministérielle. Et ces universités sont l'Université du Lac Tanganyika, l'Université Martin Luther King, l'Université ISD, l'Université Lumière, l'Université des Grands Lacs, ainsi que l'Université Paix et Réconciliation. Certains habitants de la province Kirundo affirment que les relations entre le Burundi et le Rwanda ne sont plus bonnes. Ceux à qui la radio Isanganiro a tendu le micro disent que les marchandises et les produits vivriers qu'ils trouvaient au Rwanda ne sont plus disponibles. Ces habitants demandent au gouvernement burundais de renouer ses relations pour que les familles expulsées du Rwanda retrouvent les leurs. Normalement, les relations entre deux pays existent si les gens peuvent circuler dans l'un ou dans l'autre librement. Mais aujourd'hui, nous voyons que les relations se sont détériorées. Nous vivons dans une situation harmonieuse car personne ne vient nous attaquer. Donc, je dirais que les relations sont bonnes. Non, ce n'est plus bon depuis la fermeture à la frontière. Auparavant, nous y allions pour l'achat des habits qui y étaient à bas prix, mais également pour vendre nos produits vivriers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'accepte que les relations ne sont plus bonnes et je jette les responsabilités au Rwanda qui héberge et les gens qui attaquent souvent notre pays. Mais il faut qu'il y ait une entente entre les deux pays. Si le président Pierre Nkurunziza peut ouvrir une discussion avec son homologue rwandais, ce serait bien. On nous disait depuis longtemps que le Burundi et le Rwanda sont deux pays frères. Il faut qu'ils s'entendent. Nous demanderions qu'il y ait la paix et la sécurité pour rétablir nos relations comme datant. Certains de nos familles ont été expulsés d'une manière déplorable. Et pourtant, ils y avaient fondé des foyers. Par exemple, mon frère est ici, séparé de sa famille. Donc, je demanderai qu'il y ait rétablissement de la paix et de la sécurité afin qu'il puisse y retourner pour voir ses enfants. Nous demanderions que les relations entre le Burundi et le Rwanda se rétablissent. Voilà, c'était certains habitants de la province de Kirundo qui se sont confiés à notre reporter. Et le manque d'enseignants et du matériel scolaire, le retard des salaires des enseignants vacataires et l'ignorance de l'importance de l'enseignement des métiers. Voilà quelques-unes des difficultés rencontrées par certaines écoles d'enseignement des métiers de la province et de Kirundo, selon le directeur provincial de l'enseignement là-bas. Nestor Moussafiri interpelle tout Burundais, spécialement ceux qui ont terminé la 9e année de l'école fondamentale, à s'intéresser à l'enseignement des métiers et demande au gouvernement d'en faire la promotion. Suivez Nestor Moussafiri, c'est le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo. Dans notre province scolaire de Kirundo, nous disposons déjà 11 centres d'enseignement de métiers, dont 4 anciens et 7 nouveaux. Tous ces centres d'enseignement de métiers sont fonctionnels maintenant. Mais pour les anciens centres, ils ont du matériel en quantité que je dirais, bien que ce n'est pas suffisante, mais quand même ils ont du matériel. Mais pour les nouveaux centres d'enseignement de métiers, il y a quelques problèmes observables concernant le manque d'enseignants. Ils ont des enseignants employés à titre de vacataires et ces enseignants sont jusqu'à maintenant sous-employés parce que leurs contrats ont été épuisés. Et en plus de ces contrats, nous attendons parler qu'ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Encore, ils ont des animaux qu'ils élèvent à ces écoles. Ils ont des vaches, ils ont des chèvres, ils ont des lapins et tous ces animaux sont là. Alors que ces écoles n'ont pas de budget pour pouvoir tenir ces animaux. Concernant le matériel, il y a un manque de matériel parce que concernant surtout les manuels, on ne voit pas vraiment qu'il y a des manuels conçus pour ce secteur. Même là où il y en a, ils sont en quantité non suffisante. Et on a essayé de sensibiliser, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas qu'il y a des élèves qui viennent souvent se faire inscrire. Il y a encore des résistances. En pensant que chaque individu qui a passé au banc de l'école doit être embauché dans un bureau, ou en oubliant que un métier, c'est quelque chose d'importance qu'il faut mettre beaucoup d'attention. Le gouvernement peut centrer ses efforts surtout au niveau de la sensibilisation à toute la population, de prendre à main ce secteur de métier. Et aussi, le gouvernement doit s'investir dans la mise en place des programmes pour ce secteur. Nous demandons à tous les lauréats qui ont terminé la 9e, mais qui n'ont pas eu la chance de réussir le concours national, de venir s'inscrire dans les centres d'enseignement de métier en fait et de trouver un métier qui pourra les aider dans leur vie future. À la source, reportage. Les élèves du Centre d'enseignement des métiers de Kirundo apprécient positivement la formation qu'ils reçoivent, tout en espérant que les métiers appris vont leur permettre de mener une vie aisée. Toutefois, le directeur de ce centre réclame des enseignants à temps plein et des terrains cultivables pour la pratique exigée dans certaines filières. Hatongiman Albert trouve également que le matériel reste insuffisant. Placide Niomongere a visité ce centre. Voici son reportage. Ce centre d'enseignement de Kirundo, implanté au centre-ville, dans le quartier Nyangebushaza, a vu le jour en 1962 sous le nom de foyer social, avant d'être transformé en centre de métier. Selon le directeur Albert Atungimana, ce centre abrite 4 filières. Nous inscrivons les lauréats de l'école fondamentale qui ont terminé la classe de 9e année, réussi ou pas, ou plus. Et ils peuvent être diplômés ou pas s'ils optent pour le métier ou l'accueil. Nous dispensons la formation à métier en 4 filières, à savoir la couture, l'hôtellerie, le tourisme qui comprend 2 métiers, le métier de serveur et le métier de commis de cuisine. Et nous avons aussi la filière de transformation agroalimentaire et la filière d'agri-élevage. Difficile, témoigne le directeur aux jeunes aspirants, de se choisir le métier à apprendre. En fait, lorsqu'on est en train de faire des inscriptions, tout le monde demande qu'ils soient inscrits en couture. Alors, on procède à ce qu'on les accueille. Lors de la rentrée, on fait d'abord une séance de sensibilisation. On explique chaque filière. Certains changent d'option. Même si ce centre date de longtemps et ses partenaires, dit Albert Atungimana, la plupart des enseignants restent bénévoles et le matériel étant insuffisant. En agri-élevage, c'est là où nous avons un problème sérieux parce que nous faisons cette formation sur des étangs piscicoles qui n'appartiennent au centre. Au niveau du personnel enseignant, nous avons une carence d'enseignants en filière agri-élevage parce que le technicien agronome et le vétérinaire sont des formateurs vacataires, tandis que l'ingénieur dont nous disposons est un formateur bénévolat. Avoir le statut de ces formateurs en agriculture et élevage, nous avons des inquiétudes que la formation peut être perturbée à tout moment. Malgré cela, les élèves apprécient la formation et gardent espoir qu'ils vont vivre du métier appris. Si tu apprends le métier avec volonté, tu ne peux pas être frappé par le chômage. On peut démarrer un projet avec une somme de 10 000, voire même 15 000 francs. Un projet de vente du thé ou des beignets à la campagne, tu ne peux pas manquer les frais pour le savon. Et à propos du capital, j'ai appris la façon de monter un projet et à déterminer le devis estimatif. Avec mes maigres moyens, je veux y aller petit à petit. Ce centre d'enseignement des métiers de Kirundo a pour le moment un effectif de 59 apprenants, dont 19 garçons et 40 filles. Selon le directeur de cette école, Albert Atungimana, en plus de l'apprentissage des métiers, ce centre a pour autre mission d'accompagner socialement les lauréats dans leurs activités débutées après la formation. Signalons que la province de Kirundo abrite 11 centres d'enseignement des métiers, dont 4 étant plus anciens et 7 autres étant nouveaux. Placide Niongongere, quelques nouvelles brèves en international avant la chronique santé. En République démocratique du Congo, au moins 15 personnes parmi les centaines de milliers de Congolais expulsés d'Angola sont morts de tuberculose. Selon le responsable de l'hôpital de Kamako, la première ville congolaise située près de la frontière avec l'Angola, tous ces morts sont dus à la sous-alimentation et à des maladies, principalement la tuberculose. Les responsables locaux craignent une rapide propagation de la maladie en raison des conditions d'hygiène précaires. Ces inquiétudes viennent en écho à celles formulées par l'ONU qui dit craindre une crise humanitaire dans la région du Kasaï. Les autorités angolaises affirment qu'environ 380 000 migrants clandestins ont été expulsés depuis le début de ce mois. Cette vague d'expulsion se fait dans le cadre d'une opération de lutte contre l'immigration illégale. RDC toujours, où les résidences de Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, et celle d'Alain Atondou, le porte-parole de la majorité présidentielle, ont été attaquées à la grenade dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux personnalités disent avoir été prises pour cible par un groupe d'assaillants non encore identifiés. Dans les deux cas, il n'y a pas de blessés ni de morts. Et l'ancien ministre sud-africain des Affaires étrangères, Pik Botha, sera enterré aujourd'hui à Pretoria. Il est mort à l'âge de 86 ans, il y a presque 15 jours. Partout dans le monde, il était considéré comme le visage public de l'apartheid, ayant été ministre des Affaires étrangères pendant 17 ans et un ardent défenseur du régime des minorités blanches. Il était aussi considéré comme un libéral qui a aidé à la transition vers la démocratie. Radio Isanganiro, chronique santé. Et dans la chronique santé aujourd'hui, nous évoquons une maladie appelée spondylodysite, qui est une inflammation de la colonne vertébrale due à une infection dans le disque intervertébral et des corps vertébraux adjacents à une blessure ou au vieillissement. Docteur Angélique Nyokindi précise que ces symptômes possibles sont semblables à ceux d'un individu souffrant de tuberculose, comme des douleurs, des raideurs ou une sensibilité au niveau du dos, des douleurs à la hanche et une mobilité réduite. Il s'agit d'une urgence médicale qui nécessite une prise en charge précoce. Cette chronique santé est présentée par Namia Ndaikedje. La colonne vertébrale comprend trois parties, selon le rhumatologue Dr Angélique Nyokindi. Ce médecin explique que la colonne vertébrale est attaquée par les maladies de manière différente. La colonne vertébrale est divisée en trois grandes parties, dont la colonne vertébrale cervicale, thoracique et lombaire. Et il y a plusieurs maladies qui sont aussi classées presque en trois groupes. Il y a des maladies infectieuses, il y a des maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes en d'autres termes, et aussi il y a des maladies mécaniques. Dans les maladies mécaniques, il y a l'arthrose qui est très fréquente. Il y a également des maladies infectieuses. Les maladies de la colonne vertébrale et la tuberculose partagent le microbe causal. Selon toujours ce docteur, elle indique également que tout le monde peut attraper cette maladie. Et dans ces maladies infectieuses, il y a ce qu'on appelle la spondylodysite infectieuse qui est due le plus souvent à la tuberculose, au germe de la tuberculose. Le bacille de Koch. Les signes de la spondylodysite tuberculeuse, ce sont les signes de la tuberculose classique, hormis, ça veut dire qu'il y a la fièvre, il y a des sueurs, surtout nocturnes, il y a les transpirations nocturnes, il y a la perte d'appétit, il y a l'amaigrissement prononcé. En plus de ces signes que je venais de dire, il y a des douleurs au niveau du rachis, surtout thoracique, qui est très très intense, qui sont localisées. Le plus souvent, c'est entre la D6 et la D10, donc sur tout cet étage. Et le patient peut vous montrer par le doigt l'endroit où c'est très douloureux, bien sûr avec la douleur qui va irradier après. Il n'y a pas de vulnérable pour la spondylodysite tuberculeuse. Surtout, c'est tout le monde, mais ce sont les moins défavorisés, bien sûr, parce que la tuberculose est plus ou moins rattachée à la pauvreté. Mais sinon, c'est tout le monde, que ce soit les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Le docteur nous explique comment attraper cette maladie. La transmission, ça se fait par voie aérienne, mais aussi par voie d'inoculation. Ça veut dire que le patient a eu une injection au niveau du rachis. Et ça se fait au niveau de l'anesthésie ou bien dans les infiltrations. Au niveau du rachis. La spondylodysite infectieuse tuberculeuse est une infection qui attaque la colonne vertébrale et cette dernière peut être traitée et guérie. Cependant, elle peut entraîner d'autres complications. Nous vous en parlerons dans notre prochaine chronique santé. Merci Namia Ndaikedje, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Des bacheliers ont commencé l'année académique 2011-2012 se voient toujours refuser l'entérinement de leur diplôme après leur cursus. Ils avaient eu le droit d'intégrer les universités privées uniquement pour n'avoir pas eu la note exigée pour se faire inscrire à l'enseignement supérieur public. Cette question est pendante depuis 2 ans déjà. Et la population de Kirundo voudrait voir les relations se normaliser entre le Burundi et le Rwanda voisin pour que les échanges commerciaux reprennent et que les familles désintégrées à cause de l'expulsion de certains de leurs membres se consolident. Et le reportage du jour nous a conduit au centre d'enseignement des métiers de Kirundo qui manque d'enseignants en temps plein, mais les bénéficiaires disent être satisfaits de la formation dispensée tant bien que mal par les vacataires. Et vous venez de le suivre dans la chronique santé aujourd'hui. Docteur Angélique Nyokindi nous a donné des éclairages sur la maladie appelée la spondylodysite qui est une inflammation de la colonne vertébrale due à une infection dans le disque intervertébral. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Audrine Ndaikeza. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.